Tony Danzo. Tony la morsure, morsure, morsure. Sozino Production. Studio Rinchon. La préface, les enfants oui de la tête, j'envoie tout en vrac. Voilà le seul et unique thème en équilibre. Cours comme un dératé sans déraper. Je veux pas finir dans la chronique d'un rappeur raté. Le jour et la nuit, je suis le chansonnier de la cave. Décousu, je mets des claques, hein. Truc à la Nikita. Je regarde droit devant comme un funambule sous une fine pluie. Rêve que les rêves ne s'enfuiront plus. Tony Danzo, au microphone, grand fob. Je l'ai en fou, fort la fonte, petite démo, slow fob. Sous mon air enfrogné, j'suis encore tout plein de rêves. Et quoi qu'on ait un truc qui est sûr, toujours on se plaindrait. Dans la vie ne m'arrête pas, avant terme ne m'enterre pas. Passe-moi le mic, que j'enseigne mes papiers verbales. Une vie de vaudeville, qui a coup sûr cinémale. Tragique, magnifique, intense comme un opéra de Naples. J'ai tout un tas de doigts à écrire avant que la roue tourne. J'ai répondu à leurs reproches, dans mix sa mère à tout. Bac moins deux, j'ai laissé plus d'un prof du trauma. Trop marre, mes démons je les combats dans 3-15 du mat. Matza, premier album, ça le tirait d'entrée. Ouais, j'tenterai jusqu'au bout et s'il faut tirer un trait, je le ferai. Ce rap, j'ai grandi avec ça. Lancé à 2000% dans une rando sur son. Sursaut de survie, le passé plein, l'avenir vide. J'y crois plus que jamais, mais va falloir que tout ça arrive vite. Les arrivistes, je pars tous si vite qu'ils sont arrivés. Moi, je suis là, les yeux rivés sur l'objectif sans trop rêver. Et j'sais déjà qu'à aucun moment il faut que j'hésite. En mode, mets ta corne jusqu'à ce que la mort me visite. Seul au monde, à l'époque. De poupées, de tirer de sang. En guise de meilleurs potes, cet assourdissant silence. Et si mon sang coule, ce sera juste une cicatrice de plus. Cours dans au cours du départ jusqu'au terminus. Déterminé comme l'animal acculé. Lâche rien, ce rap, je l'aime tant qu'il peut me tuer. Y'a pas tête, pas la peine de demander le programme. En acte ça devient trop grave, en parole ça devient trop gras. Trop grand, et le faux costume de l'idole. Oublie les boîtes à la mode, je fais mes cours chez Lidl. C'était, c'est, ce sera toujours la même chose. Je peux me faire chuter d'une bastos, tiré par un show. On m'arrête sur le chemin, on me demande tu veux rapper. Ce monde est violent, alors franchement t'as tout à perdre. Laisse tomber, j'suis peut-être pas fait pour ça au fond. Sans parachute, j'paierai comme un dollar l'aide de la fonte. Tout ce qui tue pas t'endurcit, donc je persiste et signe. J'continue ma route et je laisse tous les signes. Les effets d'optique, journée de merde ou pas. Je veux que ça soit rare et inédit et que ça résonne tout part. Jusqu'à ce que l'amour soit physique, moi et mélodie. J'plante mon drapeau, plus style apprécié, style maîtrisé. Juste pour le plaisir, son orphéine. Il en faut peu quitter tout ce fou, soit à son orphéine. Ton île la morsure, just do it. T'as grandi le réseau, entre deux airs, entre deux eaux, entre deux eaux. Entre deux eaux. Entre deux eaux. Entre sérénade et grognement l'animal. J'suis pas l'idole du jeu qui pense des soins, les gens. Des bons chics, des bons chars, jamais j'arrive bon sang. Des grands violents, des grands amis ou des truelles. Entre deux eaux, entre le micro et la pluie. La vie coule de source et m'entoure comme un cerceau. J'me promène sur ce son, c'est la rando. J'ai pas de temps de magie, crois que votre destin. J'ai l'instinct de survie comme cet enfoiré de Rambo. J'aime pas me dire que je t'écoute quand j'suis pisse au pied dessus. Les insultes fusent et tous les petits sont lentins. Tu prends pour qui tu parles mal, à qui tu veux mais pas moi. J'm'agite au micro comme un banjo au bout de sa corde. J'vais tous ces métacores, j'fonce comme une bête à corde. Ici Donzo, dans ce mic, là j'trouve très grand. J'rappe les gens pour envie de la guerre. Après le jour et la nuit, entre deux eaux.